sans-ville, des gars qui se défilent. J'ai beau leur dire que j'aime les filles, y'a rien à faire sur leurs grands airs. Ils draguent et causent pour ne rien dire. Je vide mes verres à mes anniversaires. À qui parler, à qui se confier, où trouver les jurés qui vont le condamner. Je veux vivre, je veux vivre, je veux franchir la rive, te voir tomber dans le trou à en user tes genoux. Tes genoux. Je roule sans bruit tout au long de mon circuit. J'ai peur de tout, de ton ombre en dessous. Comment faire pour t'oublier, pour t'écraser sur le pavé? Je peux m'enfuir, je veux grandir, sortir des cauchemars, tes idées noires. Mon amour est près de moi, j'ai trouvé.